Hein? Comment ça? On se la fait sans son. Ah ouais, donc en fait, ah ouais. Ah ouais, c'est la fin du CD, on se la fait sans son. Ok, bon, bah, vous avez aimé? Vous avez pas aimé? Ah, vous vous demandez encore? Vous demandez encore si vous avez aimé? Mais en même temps, c'est quoi la conception de l'amour? Et puis au final, c'est quoi les barrières? C'est quoi la limite? Le concept était quoi à 60 secondes? Il peut se passer beaucoup de choses en 60 secondes. Qui vous dit qu'on peut pas devenir fou en 60 secondes? En 60 secondes? Enfin, qui dit 60 secondes? Hein? Vous savez pas combien de temps on a mis? Combien de temps? Combien d'années? Combien de nuits? Combien de nuits tu deviens fou devant ta feuille, devant ta feuille. La mélodie rentre dans ta tête. Elle rentre dans ta tête jusqu'à t'en imprégner. Jusqu'à t'en imprégner, tu vis la mélodie, tu deviens les mélodies. Enfin, bon, peut-être que ça peut vous choquer. Vous avez peur? Vous avez peur? Pareil, la peur, c'est quoi? Oh là, Hannibal, Hannibal, Hannibal, Hannibal, on se calme, on se calme, on se calme, laisse-les tranquilles. La street tape, c'est fini. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Laisse-les Terminé. tranquilles, ils ont écouté le scud jusqu'au bout, c'est bon. Au bout, au bout. Mais qui te dit? Qui te dit qu'ils ont écouté jusqu'au bout? Et puis, on a tellement de choses à leur dire. Hein? Tellement de choses encore. Et puis, la fin, ça mène quoi? Oh, ça Ça y mène est, elle recommence, putain. le début d'un nouvel ère. Street tape!